Thank you. Thank you.

Thank you. I loved it. Merci beaucoup. Merci, merci. Tiens, viens, on n'a pas fait le tour. On va changer quand même. Regarde une proposition. C'est une proposition. Qu'est-ce qu'elle dit, cette proposition? Elle dit, tiens, montre-toi. Montre-toi, proposition. Montre-toi. Alors. Alors, elle va être trop forte. Encore une fois. Encore une fois, ça va être trop fort. Si bémol mineur, quel plaisir. Quel plaisir, j'ai envie de dire. What about the other? What about the rest of us? I am crackling for 1 week more. Crackling and out. My next setup will allow me to play. Dernière, après je vais faire dodo. The last one. The last one. Mm-hmm. mineur.